إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله أحبتي في الله يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة زعم أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خان الرسالة لأن الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون فلا يكون اليوم دينا لما؟ الجواب لأن صاحب البدعة يفعل هذه الأفعال وهو يعتقد أنها من الدين والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم فهذا الدين كامل لا يحتاج إلى زيادة لا يحتاج إلى زيادة وكلام الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا كلام متين واضح إذا تبين ذلك فالبدع كلها مذمومة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي لفظ فإن كل بدعة ضلالة وعن أرباض ابن سارية قال وعذنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما موعظة بليغة ذفرت منها العيون ووجلت منها القلوب قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن حذيفة قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر أو للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم رواه أبو داود. وروى الإمام الدارمي قال أخبرنا الحكم ابن المبارك أنبأنا عمرو ابن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس عن باب أو على باب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قبل صلاة الغداء فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن قلنا لا بعد فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبو عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا قال فما هو قال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون صلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا 100 فيكبرون 100 فيقول هللوا 100 فيهللون 100 ويقول سبحوا 100 فيسبحون 100 قال فماذا قلت لهم قال قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك فقال أفلا أمرتهم أن يعودوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى تعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. أي والله ما أدري، لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عمة أولئك الحلق يطاعنون اليوم نهروان مع الخوارج. والله المستعان وعليه التكلان، والله أعلم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، serviteur d'Allah، chaque croyant، chaque croyante، dans un passage du Coran، dans un immense verset، dans le noble livre d'Allah، dans le Saint Coran، Allah سبحانه وتعالى nous dit dans la sourate Al-Ma'ida، dans le verset 3: اليوم أكملت لكم دينكم. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. L'imam Malik, le grand savant de son époque, l'imam de la demeure de l'émigration, dit un jour: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة. Celui qui rapporte quelque chose de nouveau dans la religion, qui fait quelque chose qui n'existait pas, qui innove dans la religion, يَرَاهَا حَسَنَا, en pensant que celle-ci est bonne, فَقَدْ زَعَمَا أَنَّ مُحَمَّدًا خَانَ الرِّسَالَةَ. C'est comme si qu'il a prétendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mal transmis le message. Car Allah Jalla wa Ala dit dans son livre: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. Car dans son livre, Allah Azza wa Jalla nous dit: aujourd'hui j'ai parachevé, complété pour vous la religion. Donc la religion, est-ce qu'elle a besoin de rajout? Est-ce qu'elle a besoin de diminution? Est-ce qu'elle a besoin d'être parachevée, d'être complétée? Non, car elle a déjà été parachevée par la part de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et on comprend donc que cette religion est complète, comme Allah, jalla wa ala, a voulu qu'elle soit transmise par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala, alayhi wa sallam. Pour ça, dans un récit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit: فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ. Et toute nouveauté est égarement, et toute innovation est égarement. Et donc remarquez bien que le prophète en somme a dit: فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ. Toute nouveauté est innovation. Il n'y a pas d'exception à la règle. C'est pour cela qu'il nous est rapporté dans un récit qu'un jour le prophète en somme a sermonné, a fait le rappel à ses compagnons. Et les compagnons ont commencé à pleurer. Et tellement ils pleuraient et leur cœur était touché, alors ils ont cru que c'était un discours d'adieu et un serment d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tellement que c'était émouvant et tellement la parole et le rappel du prophète sallallahu alayhi wa sallam était touchant. Alors ils pleuraient et leur cœur frémissait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après ils ont dit au prophète: alors recommande-nous, fais-nous une recommandation au messager d'Allah. Alors le prophète leur dit: je vous recommande la crainte d'Allah azza wa jal, et l'écoute et l'obéissance. même si c'est un esclave qui vient à vous diriger. Et ensuite, le prophète Sansem leur dit, car celui d'entre vous qui vivra verra de nombreuses divergences. Attachez-vous à ma sunna et à la sunna des quatre califes, bien guidés. Wa'iyakum, et faites attention aux nouveautés. Et faites attention, dit le prophète Sansem, aux nouveautés, car toute nouveauté est innovation, et toute innovation est égarement. C'est pour cela qu'il est rapporté du compagnon Hudhayfa qui disait Kullu ibadatin la yata'abbadha ashabu Muhammadin sallam fala ta'abbaduha. Toute adoration, un compagnon disait, une très belle parole, toute adoration par laquelle les compagnons n'ont pas adoré Allah par celle-ci, alors n'adorez pas Allah par celle-ci. Toute innovation que n'ont pas accompli et faites les compagnons du messager d'Allah, alors n'adorez pas Allah avec cela. Pour terminer, je résume, pour pas être long, malgré que le sujet demande d'être bien développé, mais on va terminer avec une histoire. Ad-Darimi, l'imam Ad-Darimi dit qu'un jour un homme, Al-Hakam ibn al-Mubarak, a rapporté Amr ibn Yahya. Qala sami'tu abi yuhadithu an abi. Et donc Amr ibn Yahya a entendu son père raconter de son père, qui dit kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an. Il dit un jour on était en train de discuter devant la porte du grand et célèbre compagnon, l'un des plus grands savants parmi les compagnons du prophète, Abdallah ibn Mas'ud. Alors ils étaient à sa porte. Qabla salat al-ghada, idha kharaja mashayna ma'a ila al-masjid. Ils avaient l'habitude qu'ils l'attendaient devant sa porte. Les gens à l'époque donnaient de la considération aux savants. Donc ils attendaient Abdallah ibn Mas'ud devant sa porte, et lorsqu'il sortait de chez lui, alors ils marchaient avec lui et lui posaient des questions. Alors un jour, les gens rapportent, alors qu'ils attendaient Abdallah ibn Mas'ud avant la prière, alors est venu un compagnon qui s'appelait Abu Musa al-Ash'ari. Et lui, à cette époque-là, Abu Musa al-Ash'ari, il était gouverneur de l'Koufa. Il était émir fi al-Koufa. Et lui, un jour, à la mosquée, il a vu une chose étonnante. Le compagnon Abu Musa al-Ash'ari, célèbre, il a vu des gens, à son époque, qui faisaient du tasbih, la glorification d'Allah, du tahlil et du takbir. Il disait des belles paroles, il disait Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, mais ils étaient en cercle, et puis un homme leur donnait des pierres, et il leur disait de dire, dites 100 fois Allahu Akbar, et dites 100 fois Subhanallah, et dites 100 fois La ilaha illallah. Ils faisaient du dhikr, mais d'une manière que Abu Musa al-Ash'ari ne connaissait pas. Cette manière-là. Ils n'ont pas appris ça avec le prophète. Ils avaient des pierres, ils tournaient des pierres, et entre eux, ils disaient, dites 100 fois la ilaha illallah. Ils disaient 100 fois la ilaha illallah. Dites 100 fois Allahu Akbar, tous en groupe. Abu Musa, le compagnon, ne connaissait pas. Alors, ce qu'il fit, il se rendit chez le compagnon célèbre, savant et grand compagnon du prophète, Abdallah ibn Mas'ud. Il l'attend devant chez lui. Lorsque Abdallah ibn Mas'ud sort de sa maison, il le voit et dit, qu'est-ce que tu as ? Il lui dit, j'ai vu quelque chose que j'ai pas apprécié, mais je voulais connaître ton avis. Alors Abdallah ibn Mas'ud, il dit, est-ce que tu as dit quelque chose ? Il a dit, non, j'attendais d'avoir ton opinion. Regardez les compagnons à l'époque. Il n'est pas sûr d'une chose, la yatakallam. Il va chez le savant, celui qui a plus de savoir que lui. Alors il lui dit, qu'est-ce que tu as vu ? Il lui explique que des gens étaient réunis et ils glorifiaient, il faisait l'éloge d'Allah, les louanges d'Allah d'une manière qu'il ne connaissait pas. Alors, Abdallah ibn Mas'ud, ensuite, s'est rendu avec lui vers ces gens. Il les a vus dans ce cercle, et il faisait la glorification, il disait Subhanallah de cette manière comme je vous l'ai décrite, tous ensemble, en cœur, 100 fois, et lorsque l'homme leur disait ensuite de faire 100 fois la ilaha illallah, il faisait 100 fois la ilaha illallah, 100 fois ensuite Alhamdulillah de cette manière. Alors, le compagnon, Abdallah ibn Mas'ud, lorsqu'il est arrivé à eux, il leur a dit, pourquoi plutôt vous comptez pas vos fautes? Pourquoi plutôt vous comptez pas vos péchés? Car vos bonnes actions, je peux vous garantir qu'elles sont dénombrées auprès d'Allah et elles sont cotées, elles seront jamais oubliées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, malheur à vous. Alors que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont toujours vivants. Et le récipient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas cassé encore. Abdallah ibn Mas'ud, il est dit qu'il est mort à peu près en 32-33 de l'Hégire. Soit une vingtaine d'années à peu près après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit, regardez, les compagnons sont toujours vivants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédé, le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas si longtemps de cela. Et il dit, déjà, vous faites des choses qui n'existaient pas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné. Pourtant, regardez ce qu'il faisait, du takbir. Alors ils ont dit au compagnon Abdallah ibn Mas'ud, ya Abdallah, et son surnom c'était Abu Abdurrahman. Et Abu Abdurrahman, ils lui ont dit, on voulait que du bien. On voulait du bien. Aradna al-khayr. C'est le bien nous qu'on voulait, on voulait faire quelque chose de bien. Et là il leur a dit une célèbre parole ensuite qu'on peut écrire avec de l'encre en or. Il leur a dit, et combien de gens qui voulaient le bien ne l'ont jamais atteint. Combien de gens qui voulaient le bien n'ont jamais atteint ce bien. Lorsqu'une innovation, quelque chose qui n'existait pas dans la religion, apparaît, c'est des gens qui voulaient du bien, qui avaient une bonne intention. Sauf qu'ils n'ont pas suivi les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il s'est étonné, il leur a dit, déjà, vous commencez à vous égarer, déjà, c'est l'époque des compagnons du prophète. Vous savez, lorsqu'il les a exhortés, ensuite il leur a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi nous a dit que viendra une époque, il y aura des récitateurs du Coran, dont leur récitation ne dépassera pas leur gosier, la gorge. Et tous ces gens, la majorité, il a rapporté, un compagnon, Amr, un homme, Amr ibn Salama, il disait, Ra'ayna ammata ulaik, ulaik al-hilaq, yutta'inunana yawman nahrawain ma'al khawarij. Et Amr ibn Salama, il dit plus tard, ces gens-là, la majorité qui était dans ce cercle et qui faisait ce dhikr, la majorité aussi avait regagné les rangs d'il khawarij et combattait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un rappel. Lorsqu'on veut adorer notre créateur, il ne faut pas faire tomber dans l'excès de l'exagération jusqu'à inventer des choses. Il y a beaucoup de choses à notre époque. Et nous, on parle de l'époque des compagnons. Ça, c'est Abdallah ibn Mas'ud est mort en 33, à peu près 32 de l'Hégire. C'est les premières décennies de l'Hégire. Imaginez-vous. Et déjà sont apparues des doctrines, des innovations, des nouveautés à la religion. Quel est notre cas? Des siècles et des siècles, près de 15 siècles plus tard. Alaykum bisunnati nabiyikum. Alaykum bisunnati nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ussikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'a. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها قال النبي صلى الله عليه وسلم وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Ce hadith est immense. Celui d'entre vous qui vivra assez longtemps verra de nombreuses divergences. Et le prophète dit que la solution et le remède de s'attacher, de revenir à sa tradition. Le prophète sallallahu alayhi wa sadiq al-masduq sallallahu alayhi wa sallam. Très bizarrement, ce hadith du prophète est très peu enseigné, très peu entendu. Nassallaha jalla wa ala. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana 'ala al-abrar. Allahumma aghfir lana ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احسن ختامنا اللهم احسن ختامنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب غمومنا وهمومنا يا رب العالمين اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك